Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show. Alors je sais pas quel jour on est du coup, puisque normalement on aurait dû démarrer cette émission en direct. Nous étions mercredi 31 janvier 2018 et on finit bien le mois de janvier je crois. Nous, nous sommes en direct, mais apparemment, Radio Biz a un grand décalage au Canada. Bah, tant pis pour eux, hein, tant pis pour nous. Mais par contre, vous écouterez tous cette émission en différé. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux cette fois-ci. Sur Metal Invasion et sur Radio Bourrin. Radio Bourrin. Bourrin. Bourrin. R-H-I-N. Puisque en Alsace, eh bien, nous sommes diffusés maintenant sur Radio Bourrin. Et ils aiment le métal. Et ce sera le dimanche à partir de 18h. Voilà. Et bonsoir. Puis sur Metal Invasion, ce sera à partir de 20h et c'est le lundi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Tom. Ça va ? Ouais, on fait aller, hein. Donc ce soir, normalement, nous recevons... Bon, c'est pas normalement. Nous allons recevoir Manigance, qui vient nous présenter son nouvel album, qui s'appelle Machination, et qui est sorti, qui sortira le 2. Donc c'est dans très peu de temps, puisque nous sommes le 31. Vraiment, hein, nous sommes vraiment en direct, hein, ce soir. Hein, mais voilà. Alors nous avons commencé avec une... Alors tous les titres que l'on vous passe, ce sont des titres clin d'œil. Clin d'œil parce que cette émission est très spéciale. Si vous l'écoutez jusqu'au bout, j'espère pour vous, vous comprendrez pourquoi elle est très spéciale. Donc ce soir, le premier titre, je vous donne le nom du groupe. Ça s'appelle Harakiri for the Sky. Comprenne qui pourra. Le titre du morceau, mon cher Tom. Manifesto. Manifesto, bah ouais, faut manifester, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est tiré de l'album... Arson. Exactement. Alors, si Arson, bah, faut aller ouvrir. Ça sort chez Art of Propaganda. Ça sortira le 16 février prochain. Ah, parce qu'en plus, c'est même pas sorti. Ben non. Ah, ça, c'est fun, ça, encore. Mais ouais, bien sûr que c'est fun. Mais je te dis, moi, j'ai été chercher des trucs. J'ai voulu... Ah, bah, tiens, j'ai mon micro qui se barre. Harakiri. C'est génial, Harakiri. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, cet album contient 7 titres, plus un bonus pour le tirage limité. C'est un groupe autrichien qui nous vient de Vienne et de Salzbourg. Ils nous font donc quelque chose qui s'appelle du post-black metal. Et ils se sont formés en 2011. Voilà, moi j'ai adoré, je sais pas vous. Mais ça, c'est le titre bonus, hein, que je vous ai passé et qui commence très très très très lentement, très doucement, et puis qui finit un petit peu plus en voilà. Qui c'est qui touche là? C'est toi? C'est moi? Non, je touche à rien, moi. C'est notre invité. C'est chez vous alors, mais bah, c'est pas chez moi. Il y a un fantôme, il y a un fantôme dans ça le. Ça doit être ça, bah, entre, ah, y a un fantôme. Entre nos invités qui vont venir, Manigance et puis Harakiri, enfin, The Sky, enfin, je crois qu'on n'est pas les sorts. Non, on n'est pas. Non, je crois qu'on est maudits. Bon, en tout cas, ce que vous entendez en fond sonore, c'est Accept, puisque le concert, c'est demain. C'est demain, jeudi, pour nous qui sommes présents mercredi soir, d'où la raison en partie. Voilà, Accept qui sera en concert à l'Élysée Montmartre avec en première partie Night Demon, qui du coup pour vous fut en concert avec Night Demon en première partie, donc extrait de leur album The Rise of Chaos sorti chez Nuclear Blast le 4 juillet, août dernier, c'est des Allemands, c'est des heavy metal, ils sont formés en 1968, dans ces temps-là, j'étais pas né encore. Bah non, moi j'avais un nom. Ouais. Allez, on va enchaîner avec les nouveautés ce soir. On va vous proposer un florilège de nouveautés, des choses que l'on aime également. Mais vous en aurez pour tous les goûts. Hein. Il y aura du blues, il y aura du sympho, il y aura du death metal, il y aura du black metal que vous avez déjà entendu. Il y aura du heavy, bien sûr, il y aura du hard rock. Et on va voyager un petit peu. On va voyager, vous allez comprendre très vite où nous allons. Déjà, nous allons aller en Suède avec Therion, qui nous sort enfin son nouvel album qui s'appelle Beloved Antichrist. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Night Reborn. Ça sortira le 9 février chez Nuclear Blast. L'album, c'est un double album, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qui est conceptuel. Il contient 17 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, ils nous viennent de Suède, quoi. De Suède, hein. Applams Vasby. Voilà, très bien, tu prononces super bien. C'est un sextet donc de heavy symphonique et ils se sont formés en 1987. J'étais né. Bah, moi aussi. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et voilà, on continue dans le délire. On enchaîne avec un groupe français. When Morning. Yes, ils sont en concert bientôt. Oui, ils sont en concert à la Boule Noire avec en première partie ou pas. Pittsburgh in the Nursery et nos amis MF Crew. Voilà pourquoi j'ai choisi, parce que en fait le concert c'est loin, hein, c'est au mois de mars, c'est le 23 mars. Oui. Mais j'ai choisi parce que ce soir on avait envie de rendre hommage aussi à nos amis. Ouais, MF Crew en particulier, avec qui on a passé une bonne route, voilà. Donc Red Morning, c'est tiré de leur album Under Punishment Tree, donc sous l'arbre du punishment, du comment on appelle ça, ouais, de la, ouais, du châtiment, voilà, sous l'arbre du châtiment. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Grow My Feathers. Ouais, plutôt, ouais. Feathers, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, sorti chez Bad Reputation, ça sortira du moins à la Saint-Valentin. C'est bien, c'est une belle sortie. Hein. Si ouais. Tu sais pas quoi offrir à ta moitié. Bah, en même temps, c'est pas très mélodique pour la Saint-Valentin, mais c'est pas grave. France, donc ils nous viennent de Paris, c'est un quartet de metalcore. Ils se sont formés en 2003, et puis bon, c'est pas mal. L'album est vraiment sympa, et ça sort surtout chez Bad Reputation, a fucking good label. Nous enchaînons ensuite et nous allons voyager puisque nous allons partir à Lima. À Lima, au Pérou. À Lima, d'ailleurs. Et si tu pètes, ça fait les Pérou pètes. C'est comme ça, j'avais envie. Ouais, hein, et le groupe s'appelle NMK et non pas NKM. Ouais. Hein, non, NMK. Limite, ça ferait mini, quand même, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça s'appelle Ravenous Spectre. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Condemned in the Existence. Donc, condamné pour l'existence. C'est sorti la semaine dernière, le 27 janvier dernier. C'est excellent. C'est de l'autoprod. Ouais, mais c'est excellent. C'est du mélodique death thrash metal avec chanteuse. Donc, vous avez de la voix qui est parfois claire et parfois assez outrageante. C'est pour tous les fans de Carcass, de At The Gate, de Dark Tranquility et de Symphonix pour le côté très mélodique. Mais qui c'est qui fait du bruit là dans les micros là? C'est toi qui dois bouger. Mais non, je bouge rien. Si, tu dois pousser. Mais non, je te dis que non. Légèrement ton ordinateur. Et du coup, quoi ce bordel? On parie. Bon, non mais c'est pas moi je te dis. Non. Ah là c'est toi là. Mais c'est ton micro, tu vois. Ouais mais là on m'entend plus là. Voilà, maintenant on m'entend. C'est le bordel dans cette radio là. Là ça vivement que ça se termine, tiens. Hein, parce que là, franchement, hein, c'est le bordel. Allez, on envoie la musique. 06 81 01 28 34. Ouais. Même si c'est du différé, vous pouvez nous appeler et vous pouvez nous joindre de toute façon. Parce que où que vous soyez, nous sommes joignables. Ouais, nous serons toujours là. 06 81 01 28 34. Musique.

De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, tous les mercredis. En direct. En direct, mais le mercredi. Chez nous, dans le studio, parce que là, du coup, on a réglé le problème. C'est jeudi pour Radio Québec, normalement. Vendredi, dimanche pour Radio... Bourrin, voilà, Radio Bourrin. Là, Bourrin, Radio Bourrin. Radio Bourrin. Radio Bourrin, avec un trait d'union entre le bourg et le Rhin. Le bourg comme le bourg, la ville, là, voilà. En tout cas, vous avez tous les renseignements sur le Facebook du Rock for Show. Et lundi soir pour Metal-Invasion, voilà. À partir de 20h pour... Metal-Invasion, 18h pour Radio Bourrin. Et 19h30 pour Radio Québec. Voilà, alors on salue Laurent, on salue Eric et on salue Sydney, puisque ce sont les trois diffuseurs du Rock for Show. Nous avons écouté Tyrion, nous avons écouté Red Morning et nous avons fini avec MNK. Si vous voulez faire des petits commentaires sur les sujets, sur les groupes, sur notre humour de merde, enfin sur tout ce que vous voulez, 06 81 01 28 34. Voilà, n'hésitez pas, hein, on est là, on peut vous répondre, on va vous le prouver d'ailleurs, hein, si vous nous envoyez un petit message. Mais je veux bien poser une question à tout le monde. Si vous nous trouvez le putain de chat noir qui se trouve autour de nous, dénoncez-le, quoi, merde. Moi je dirais rien. En tout cas, c'est Malmort que l'on entend en fond sonore. Ah bah tiens le v'là. Non, c'est pas un chat noir, Xavier. Et puis sa bande. Non, du tout. Bon, on les aime bien. Madame. C'est un groupe de hard rock. Ils se sont formés en 2010. Et ils nous font du hard rock bigarré. Je dirais qu'il s'en va dans tous les sens. Ils nous viennent de Cergy. Et surtout, ils seront en concert. Oui, ils seront en concert le 3 février. Donc, vous aurez eu le temps d'écouter cette émission. Oui, pour les auditeurs de Radio Québec, on espère. Peut-être. Voilà. Donc c'est samedi soir, donc amis de Radio Bourg et de Radio Metal Invasion, c'est fini pour vous, c'est trop tard. Donc c'est dimanche, samedi soir à Bagnolet, à l'espace Denis Hooper, avec Laser et Demencia. Alors nous allons continuer dans les nouveautés avec des choses un petit peu plus relax maintenant. Nous allons passer à Miles Kennedy. Qui nous sort son premier album solo qui s'appelle Years of the Tiger. Et le titre, c'est le titre éponyme que nous avons vous proposé ce soir. L'album sortira le 23 février. Vous avez vu, on a pris un petit peu d'avance. Hein. Vous allez peut-être comprendre pourquoi à la fin de l'émission, mais on a pris un peu d'avance. C'est le chanteur d'Alter Bridge, mais pas seulement. Il a également chanté avec Slash, hein, sur les albums solo de Slash. Et je crois qu'il a chanté aussi avec Audioslave. Voilà, c'est Monsieur Miles Kennedy. Nous enchaînerons ensuite avec Maverick. Alors là, nous allons de l'autre côté, dans l'autre hémisphère. Si tu pouvais arrêter de chanter quand je parle, ça me ferait plaisir. Hein ? De Dieu, mais c'est pas possible. Ouais, hey, je suis à deux doigts de le foutre par la fenêtre. Hein. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, attends. Après l'émission. Ouais, voilà, parce que je suis prêt après pour les autres. Voilà. Le groupe Maverick, que nous allons... Ouais, Maverick. D'Australie. C'est vrai ? Mais tu m'emmènes avec eux si tu veux, parce qu'en Australie je veux bien aller. Bon. D'accord. Il fait chaud là-bas, il y a les kangourous en plus. Bah, fais gaffe parce que les kangourous ils vont te boxer. Hein. Bah, c'est pas grave. Il y a les koalas aussi. Même pas peur. Il y a les serpents. Même pas peur. Ah, il y a les autochtones. Fais gaffe, ça. Il y a des bushmen. Fais gaffe, t'auras une bad reputation après. Ouais, ça c'est tiré de l'album Firebird. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Tom qui dit ça, c'est Break Me. Casse-moi. Voilà, t'es cassé, mon gars. Et ça sortira le 14 février pour la Saint-Valentin. Achetez-le parce que c'est un très très bon album. Voilà, et puis en même temps, on salue notre ami Eric Coubar du fucking good label Bad Reputation. Nous enchaînerons ensuite avec le groupe que nous allons recevoir après cette plage musicale, puisqu'il s'agit de Manigance avec son album Machination qui sort le 2 février chez Vericord. Le premier titre que je vous propose de découvrir de cet album, même si on vous a déjà passé Machination, le titre éponyme, eh bien ce soir, ça sera Face contre Terre. N'oubliez pas, hein, tout ce qu'on vous passe, ça a un sens ce soir, un sens très spécial, très spécifique par rapport à l'émission, parce que c'est une émission très spéciale, vous allez comprendre à la fin de l'émission. C'est le septième album, le septième CD de nos amis de Manigance. Il contient 12 titres. De ce sextet de métal mélodique qui s'est formé en 1995 et ils nous viennent de Pau, les Palois. On vous laisse. Par contre, ils en ont pas ça. On vous laisse en musique, ils n'ont pas de Pau ce soir. Mais on va recevoir François après tout ça. Et pour l'instant, on vous laisse en musique. Donc, on va vous répéter ça, mon cher Tom. Avec Miles Davis. Miles Davis, t'as raison, oui, c'est Miles Davis, ouais, t'as raison. Oui, ouais. Miles Kennedy. Oh là là là là. Miles Kennedy, on enchaîne avec Maverick et on termine avec Manigance. C'est parti. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'était les 3 M. Ah, les 3 M. Bah oui. Ouais. MMM. Miles, Maverick. Ouais. Manigance. Ouais, c'est cool. MMM. Mm-hmm. Et avec, tu rajoutes un S, ça fait MMS. Ouais. Et envoie la musique. Si ça veut partir, 06 81 01 28 34. face à soi-même. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, tous les mercredis maintenant, de 19h30 à 21h30. Enfin, ça c'est quand tout va bien, hein, puisque ce soir c'est un petit peu du différé, mais nous vous avons réservé quand même le plat de résistance dont on vous a parlé quand même depuis pas mal de temps, et que l'on se fait une joie, un régal. Nous aussi, c'est notre plat de résistance, puisqu'il s'agit de Manigance. Manigance avec son nouvel album qui s'appelle Machine Nation. Par contre, le titre éponyme de l'album s'appelle Machination. Alors, nous avons la chance d'avoir François au téléphone. Bonsoir à toi, François. Et comme nous sommes le 31 janvier, François, je te dis bonne année. Alors, bonne année à tous. Ouais, vous avez de la chance. Vous pouvez me manger à la sauce béarnaise. Hey, tu sais que quand même, t'as pas de pause ce soir. Oh. Mais qu'est-ce que tu nous as manigancé? Il y a plein d'humour, Phil, ce soir. Bah, on essaye, hein, tu sais, hein, il faut, par le temps, parce que là, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, c'est de la flotte. Non, nous, il a fait plutôt beau, mais plutôt quand même froid, quoi. Mais il y avait du brouillard aujourd'hui, donc ça s'est pas trop levé. Mais sur les stations de ski, il faisait beau. Mon fils était au ski, il faisait super bon. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du... L'avantage d'être au sud, hein. Ouais, ça, c'est la chance que vous avez. On va rentrer dans le vif du sujet avec cet album. Je sais que vous avez déjà fait un concert pour présenter l'album Machination. Il y a une semaine, deux semaines? Même pas, c'était ce samedi-là. Ah, c'était samedi dernier. La release party, c'était samedi, ouais. Mm-hmm. Alors, parle-nous un petit peu de l'accueil qui a été réservé donc, par les fans à cet album, à cette soirée. Alors, c'était très très bien. Bon, on avait quand même pas mal de copains qui étaient là, donc c'était assez spécial comme accueil. Sachant qu'en plus, les gens ne connaissaient pas les morceaux, donc on était un peu sans filet, puisqu'on a joué pas mal de morceaux du nouveau, inconnus par l'auditoire. Sauf Machination, qui est sorti avec le vidéoclip il n'y a pas longtemps. Donc ça s'est super bien passé. Bon, après, tu sais, c'est aussi une vieille bande de potes dans le coin. Donc on avait invité Oblivion, qui est le groupe à Joe de Nightmare et son frère. Et puis son groupe de jeunes qui jouent super bien, qui s'appelle Cranks, qui font du style Maiden des années 80. Donc le plateau était super. Super soirée, quoi. Voilà, tout s'est passé comme la fois où vous étiez venu avec ADX. Oui, bah, très grand souvenir, hein. Et puis, même si le premier concert, il n'y avait qu'un seul guitariste, hein. Oui. Non, mais je pensais à la soirée à Pau, hein, quand on avait fait une belle soirée, là, voilà. C'était le même genre, quoi. C'était magnifique. Alors, parle-nous un petit peu de cet album Machination. Pourquoi Machine Nation, et le titre à l'intérieur de l'album s'appelle Machination en un seul mot? Ah, tu sais, on est spécialiste de la réflexion un peu triturée, tu vois. Pourquoi? Donc, parce qu'à la base, si tu veux, le titre qui est venu, Machination, c'est une idée de Christian, c'est notre manager. Et moi, par rapport au nom du groupe, je trouvais que ça... j'étais un peu trop proche par rapport à Manigan, ça faisait, je voulais avoir un peu de recul par rapport à ça, et donc c'est moi qui ai proposé ce petit jeu de mots par rapport aussi au contexte actuel, hein, un peu de la mondialisation, de tout ce qui se passe autour de nous. Je voulais pas que ça soit interprété comme la théorie du complot, hein. C'était pas du tout par rapport à ça. C'était plus par rapport à... Voilà, j'ai joué sur le mot pour arriver un peu à donner cet esprit un peu de toutes ces décisions qui se font autour des nations et pour lesquelles les peuples sont pas trop d'accord. Et c'est quand même assez d'actualité. Donc c'est ce qu'on a reproduit aussi sur la pochette avec Stan. Alors c'est Stan W. Decker qui a fait la pochette, comme l'avant-dernière d'ailleurs. Exactement, ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il bosse avec pas mal de monde, hein, ce Charles, ce charmant monsieur. Hein, puisque je crois oui. Mais c'est-à-dire qu'il a déjà du talent, et puis aussi il a des idées au-delà du côté création. Il a quand même, il arrive à mettre de vraies idées derrière toi, ce que tu lui proposes au départ. Et donc là, l'idée, c'était ce que je viens de te dire, et puis là, il a réfléchi à tout ça, on avait réfléchi à une planète et tout. Et voilà, l'idée du robot qui finalement est un peu un humanoïde qui ressort de toute cette réflexion autour de ce qui se passe autour de la mondialisation, et un peu aussi fait de la planète qui explose, dans le sens où, bon, il y a des endroits où, effectivement, ça se rebelle un peu quand même aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette image-là, sans vouloir non plus être trop donner des leçons ou vouloir, mais c'est une image de ce qu'on perçoit du monde d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, les textes, encore une grande fois, merci de chanter en français. Moi, j'adore parce qu'au moins, on peut chanter avec vous à l'unisson lorsqu'on vous voit en concert. Et en plus, y a toujours quelque chose, il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose d'intelligent ou qui force la réflexion dans les textes de Manigans. On a commencé avec Face contre Terre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment se sont faits le montage ? Est-ce que tout le groupe participe aux paroles ou c'est juste Didier et puis des idées qui sont apportées à droite et à gauche comme ça ? Ou est-ce que chacun apporte ses petites idées aussi au niveau des textes en plus de la musique ? C'est surtout Didier en fait. Hein. C'est Didier qui amène ça. Après, je dirais que s'il y a un petit peu de modif, c'est moi qui participe en le guidant s'il y a des choses qui me semblent, comment dire, moi je me laisse emporter par Didier quand il arrive sur les nouvelles compos. Voilà, des fois il me fout des frissons et donc je lui dis touche à rien, et puis des fois je le sens moins, donc je lui dis là j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Donc dans ces petits détails là, des fois je lui donne quelques clés pour essayer de corriger ce qu'il veut dire, quoi. Ce qui est dans Didier, ce qui est assez phénoménal si tu veux, c'est que il dit les choses mais il a du mal à en parler lui-même, si tu veux. Ah mais c'est un artiste très introverti, notre cher Didier, hein. Ouais. Donc si tu lui demandes de parler de ses textes, presque j'en parle mieux que lui. Des fois il me dit vas-y parle-en parce que donc Face contre Terre, c'est un peu, si tu veux, c'est une chanson qui est basée sur aussi un peu phénomène d'aujourd'hui, hein. Faut tous vivre en sécurité, on a peur de tout, faites attention à ceci, faites attention à cela. Si tu vas, tu veux faire quoi que ce soit, tout le monde te dit et vit en fonction de la sécurité, voilà. Donc c'est un peu ce commerce de ce business qui est autour de la peur qu'on est en train de vivre tout le temps que dénonce cette chanson, quoi. C'est un peu ça, d'ailleurs. À un moment, il y a des voix qui arrivent et qui parlent un peu de ça, quoi. Alors, l'album a toujours été enregistré dans ton studio. Donc, ça doit être un petit peu confortable et même parfois un petit peu rageant parce que vous avez dû prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que comme on n'est pas pressé par le temps là-bas, hein, là où il fait beau. Hein. Après, si tu veux, à la fois pas pressé, mais pourtant on maintient le rythme, quoi. Oui. Là, si tu veux, si on prend un peu les délais qu'on a pris, c'est dû aussi au fait qu'on a changé de batteur. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça également. Justement, présente-nous un petit peu le travail du nouveau batteur. Qu'est-ce qu'il a apporté Est-ce que les compos étaient déjà faites ? Est-ce qu'il a apporté sa touche ? Alors, il y a beaucoup de compos qui étaient déjà bien avancés quand il est arrivé, mais quoi qu'il en soit, il a amené sa touche, bien entendu. Patrick, c'est un batteur avec qui j'ai joué dans Killers il y a 25 ans, peut-être, tu vois. Donc, c'est un très bon ami. Parce que, un peu comme ADX, on est quand même, on fonctionne à l'ancienne. Donc, il faut qu'on soit d'abord très copains et bon, il faut savoir. La famille! Bien évidemment, je veux de la musique, mais à choisir, le côté bien s'entendre compte beaucoup, quoi. Donc, Patrick, c'est un gars qui, que j'avais contacté quand Dany est parti et qui, à l'époque, n'était pas dispo. Donc, c'est là où j'ai contacté Guillaume. Avec Guillaume, ça s'est très bien passé. Et puis après, tu sais, les histoires d'entente musicale. Hein. Voilà, donc ce qui fait qu'on s'est séparé de Guillaume. Et j'ai recontacté Patrick. Et à ce moment-là, il était dispo. Et donc, il m'a dit, je vais pas dire non deux fois, quoi. Voilà. Donc il est arrivé. Il a eu une bonne période de mise en jambe, hein, comme on dit. Parce que ça faisait un petit moment qu'il était pas trop dans ce style de musique. Donc, il a fallu qu'il rebosse pas mal de choses. Et puis, donc, on a fait des concerts avec vous, d'ailleurs, oui, oui. Avec Patrick. Enfin, quand je dis avec vous, avec ADX, quoi. Et puis, voilà, et après, il a appris le répertoire, il a bossé à fond avec sa patte. Il a une frappe très lourde, quoi. Donc, je pense qu'on ressent ça dans l'album. Oui, on l'entend bien. Et ce que je voulais, ce qu'on disait aussi en écoutant cet album, c'est qu'on chope pas tout de suite. Autant au niveau des textes, le fait que ça soit en français, on se les accapare, on rentre dans l'histoire, on rentre dans le thème qui est développé à chaque chanson. Par contre, au niveau musical, ça demande beaucoup plus d'écoute parce qu'il y a quand même énormément de choses à digérer, notamment au niveau des claviers. Qui sont très, très présents et qui apportent vraiment quelque chose, qui ne sont pas juste là en nappe, qui apportent vraiment quelque chose musicalement. Et puis, au niveau des guitares et de la basse, où il y a vraiment... Chacun fait son travail et pour tout adepte de musique, on voit qu'il y a quelque chose derrière qui va demander du temps, qui va demander de la réflexion. Et c'est, voilà, c'est ouais, très c'est très ça, bien. C'est ça, mais c'est un album sans qu'il soit non plus trop complexe, mais qui reprend un peu notre côté prog. Hein, donc, mais sans avoir quand même, on était allé très loin avec L'Ombre et la Lumière. Là, on a repris quand même un peu ce thème-là, mais en restant avec des morceaux plus courts, voire un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Typiquement, je peux parler d'Exutoire, hein, par exemple. Pour le coup, là, on a été vraiment chercher un peu dans ce qui se fait dans le métal moderne, avec des arrangements plutôt sur des groupes actuels qu'on n'avait pas fait jusque-là, quoi. Voilà. Après, pour les claviers, ce que je peux te dire, mais bon, ça, c'est personne... C'est une de mes influences sur cet album, c'est que j'ai écouté pas mal de morceaux d'In Flames et je les ai digérés à ma façon et retranscrits en termes d'arrangement dans ma nuance. Bah justement, on va parler musique et on va surtout en écouter. On va écouter un deuxième extrait de cet album Machine Nation. On vous le rappelle, ça sort le 2 février, c'est-à-dire dans deux jours. On va écouter Avec des Si. Alors, je te laisse nous toucher deux mots sur ce morceau. Et puis tout de suite après, on se l'écoute. Avec des Si, c'est un morceau qui traite plutôt la condition humaine. Et de ça, c'est un thème qui est très... très proche de ce que fait d'habitude Didier au niveau des textes. Et après, au niveau de la musique, ça reprend un thème qu'on a souvent sur les albums, qu'on appelle du triolet, c'est-à-dire c'est un type de riff qu'on a sur Démon Retour et qu'on met systématiquement pratiquement par album. Donc là, c'est une version actuelle de Manigance dans ce trip-là, quoi. Allez, on envoie tout de suite Manigance avec des Si. On se retrouve tout de suite après avec François. We'll be right back. De retour dans les studios du Rock for Show, vous êtes toujours à l'écoute de Manigance. Avec des si, on referait le monde, Phil. Hein. Ouais, mais moi, au départ, tu sais, j'avais pas lu le texte et je croyais que c'était avec des si pour scier du bois. Mais non, pas du tout. Ah, hein. Ouais. Parce que tu sais que c'est en sciant que Léonard de Vinci. Tu le savais, ça? T'es en pleine forme ce soir. Ah, toujours. Il faut, hein. C'est ce qui nous maintient en vie. Ouais. Il faut l'humour, puis surtout j'ai mon pote là, tu sais, j'ai Tom. Quatre de bras gauche. Il fait pas que des pains dans sa vie de tous les jours, il en fait aussi à la radio et ça c'est bien parce que on voit que c'est un vrai boulanger. C'est pas beaucoup de monde le savait, je pense. Mais voilà. Non, mais maintenant tout le monde le sait, mais ouais, c'est normal. Voilà. Mais d'ailleurs, si tu pouvais aller au fourneau nous faire quelques pâtisseries, là, ça serait sympa, hein, parce que il va commencer à faire faim là après l'émission, hein. Allez, on retourne au vif du sujet avec ce magnifique album Machine Nation. Et on va parler maintenant de la tournée, parce que c'est bien d'avoir un album, c'est bien le studio, mais on sait que les groupes, s'ils font des albums, c'est justement pour aller vous les présenter sur scène, aller vous les jouer devant vous, et avoir surtout votre retour, avoir ce feeling. Alors parle-nous un petit peu de comment se monte cette tournée, avec parce que là c'est un grand groupe aussi, hein, pareil, qui génère pas mal de public, puisqu'il s'agit de Mirat. Ouais. Oui, donc en fait, on va faire toute la tournée avec eux. Donc pour nous, c'est une super opportunité d'aller jouer des morceaux en français partout en Europe. Donc on part 3 semaines et demie. On commence par Trabendo à Paris. Ensuite, on va faire deux dates en Hollande. On descend toute l'Allemagne. On fait 6 dates en Allemagne. Tchécoslovaquie, je crois, après je sais plus, on fait un autre pays, après on descend en Suisse, en Italie, on va en Espagne, on revient en France. Donc pour le coup, on va semer des petites graines françaises un peu partout. Vous avez bien raison, mais laissez bien les bonnes graines pour qu'elles puissent bien pousser, qu'ils aiment les groupes français qui chantent en français. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est un sacré challenge pour nous quand même, hein, parce qu'on sait très bien que, d'abord Mirat c'est un super groupe, ils chantent en anglais, donc nous on va se pointer, on va chanter en français, hein. Voilà, il va falloir qu'on arrive à persuader avec notre répertoire. On vient d'être distribué au niveau, on va dire, Europe et mondial par Mighty, donc tout ça, ça se tient pour que, voilà, que ça soit une nouvelle histoire qui démarre, et puis après, comme je te dis, si on peut y repartir avec des potes, des groupes français, ça sera super, quoi. Très bien. En tout cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses. Ah, mais j'aimerais bien qu'un jour, Manigance arrive à se... S'internationaliser. Ouais, parce que... Ça, c'est... Tu vois qu'il y a la possibilité, mais c'est rien. Bah, en fait, comme on disait, hein, c'est il y a que les Français qui ont un problème avec la langue française, parce qu'à l'étranger, mine de rien, bah, ça passe quand même, puisque quand on va en Allemagne, en Angleterre ou autre, des groupes comme Sortilège, comme H-Bomb, comme Vulcain ou Killers, même Killers, ça fait deux fois le Wacken Open Air en chantant en français et en basque, et le public était là, et il n'y avait pas que des Français dans le public. Donc je pense que on a un problème franco-français avec notre propre langue, et ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, puis je pense qu'après, c'est aussi un peu les promoteurs qui sont frileux, quoi. Voilà. C'est que l'un va avec l'autre, si tu proposes pas tes groupes, ben les gens peuvent pas les entendre, et finalement, ça devient une règle de dire qu'il faut chanter en anglais, bon... Après, c'est pas évident non plus, hein. Faut quand même avouer, si tu vois un groupe arriver chanter dans une autre langue, c'est toujours un peu surprenant, mais ça a des atouts, c'est original, nous on pense qu'on a une carte à jouer, et puis on va la jouer à fond. Voilà, En tout cas, nous on croise les doigts pour vous, et on va envoyer plein de bonnes ondes positives pour que cette tournée se passe bien, et que ça donne d'autres dates par la suite. Comment s'est passé l'enregistrement? Est-ce que ça a été facile de rebondir pour créer ce nouvel album? Je pense que du moment que tu as quelque chose à dire, c'est toujours facile. Voilà, c'est, il faut avoir quelque chose à dire. Le rock, le métal, c'est ça, quoi. Il faut que t'aies quelque chose à dire. Il faut pas te dire, voilà, il faut que je fasse mieux que machin ou truc. Il faut avoir des choses à dire. Et on a toujours des choses à dire. Et tant que c'est comme ça, ça ira. Après, au niveau de la production, c'est un peu mon dada. Tu étais venu chez moi, tu sais. J'ai un studio, j'adore ça. Donc, ça facilite la vie des autres. Et moi, ça me plaît, donc on a ce fonctionnement. L'avantage qu'à la maison, c'est que on peut s'adapter au planning de tout le monde. Et puis voilà, et donc derrière, après, ce qu'on a fait, j'ai été masterisé au Tower Studio de Brett Kallaslima, qui est un mec super et que j'ai connu par Internet. Et donc ça aussi, ça a été une étape de plus dans ce que je fais d'habitude. J'ai un peu changé ma façon de faire et je suis très content d'avoir bossé avec lui. Et je conseille au groupe français d'aller voir ce qu'il fait, hein, parce que pour le coup, il bosse avec des très gros groupes et il arrive à faire du super mastering, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup François pour cette interview ce soir, parce qu'on a été... Vraiment, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, hein, surtout dans cette émission très spéciale. Je vous enjoins à écouter cette émission jusqu'au bout, parce qu'on a quelque chose. Il faut. Voilà, on a quelque chose à vous annoncer en fin d'émission. Vous n'aurez pas le choix. Oui, déjà. Mais on a quelque chose à vous annoncer en fin d'émission, et on est fiers et toujours heureux de recevoir des amis, parce que Manigance, c'est vraiment des amis que l'on suit depuis les débuts, depuis Signe de Vie, et qu'on continuera de suivre. Bien et sûr. Qu'on continuera bien sûr de suivre. C'est cool. Cet album s'appelle Machination, ça sort chez Vericord le 2 février. François, je te propose d'écouter un troisième titre de cet album pour terminer. Et pour terminer l'interview, hein, bien sûr, pas l'émission. Ah, parce que quand tu vois le titre, t'as l'impression que c'est pour terminer tout court. Hein. Non, ça s'appelle Exutoire, on en a parlé justement tout à l'heure. Alors moi, j'ai essayé de choisir des morceaux qui soient un petit peu rapides, mais en même temps différents les uns des autres, et qui vous donnent un petit peu l'éventail de ce que l'on peut retrouver dans cet album, Machination. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, et tu vas nous en dire deux petits mots, c'est qu'il y a une ballade. Et parle-nous un petit peu de cette ballade, de la construction de cette ballade. Pourquoi cette ballade ? Moi, sincèrement, les ballades, je les aime bien quand j'ai une copine avec moi à côté, tu vois, pour danser. Maintenant, sur un album, aujourd'hui, j'adorais ça dans les années 80. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me ralentit dans mon écoute. Oui. Et je comprends. Alors si tu veux, en plus pour le coup, celle-là, elle est très particulière. Donc cette balade-là, c'est bon. Je dirais que déjà par rapport au groupe, ça, comme tu l'as dit précédemment, ça permet de voir ce qu'on sait faire en dehors du métal classique. Mmh. Donc là, c'est vraiment du piano, guitare acoustique. Donc et ça nous plaît parce que c'est aussi de là qu'on vient. On n'a pas besoin toujours d'avoir que ça défouraille dans tous les coins pour arriver à faire passer une émotion. Et là, typiquement, c'est ça. Voilà. Après, sur la chanson elle-même, elle a un format un peu particulier parce qu'elle a été faite par Jean et Didier. Et moi, je suis pas intervenu finalement sur la mélodie. Ils ont fait quelque chose qui est un peu dans le style d'une, on peut dire, un peu de balavoine quand même. Hein. Mmh. Je dirais que dans la mélodie, dans les accords. Et pour le coup. Quand la première fois je l'ai écouté, j'ai dit ça, de toute façon, soit on le met, soit on le met pas, mais on n'y touche pas, quoi. Voilà. C'est comme ça, ça va passer, ou il y a des gens qui vont plus ou moins apprécier. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose à écouter, à réécouter. Voilà. Il y a plein de mots, il y a plein de sentiments, là, dans ce qu'il a fait passer. Après, quand ça s'est construit, j'ai pratiquement fait zéro remarque sur le piano chant, et avec Bruno, on a fait tout le final, hein, en guitare acoustique. Donc il y a deux parties dans cette balade, une partie vraiment piano chant et une partie guitare acoustique. C'est un peu un truc, c'est un instant pris à un moment, t'as envie de faire ça, je te disais tout à l'heure, t'as quelque chose à dire, c'est comme ça, et voilà, et pour le coup c'est un standard. Ah non, justement, ça donne une nouvelle facette encore de Manigance, donc c'est toujours très bien parce qu'on voit quand même, on peut prendre les albums et on voit qu'il y a encore une nouvelle évolution sur cet album, on vous le rappelle, Machination, avec le morceau Machination qui est vraiment pour le coup, moi je dirais que c'est vraiment le hit de l'album parce qu'il reste gravé, hein, vraiment gravé. C'est une machination. Tu peux le chanter sous la douche sans problème. Non, par contre, si tu peux arrêter de chanter, Tom, je t'explique parce que dehors il pleut. Et moi, je préfère la voix de Didier. Hein, juste comme ça, Tom, faut arrêter là. Il y a un moment donné, Tom. À un moment donné, faut arrêter. Ah, après, je peux. J'ai une petite histoire à vous raconter qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ça c'est rigolo. Mais raconte toujours, ça fait toujours plaisir. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez vu le vidéoclip qu'on a réalisé. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été filmé dans un fort chez nous, qui s'appelle le fort du Pourtalet. Et donc on s'est pointé là-bas avec des groupes électrogènes et tout le bazar, et des stacks Marshall de tous les côtés. Et un pote qui est arrivé faire des photos, et il me dit « Putain François, t'as pas honte ?» Je lui dis « Mais pourquoi j'ai pas honte ?» Il me dit « Tu sais qui c'est qu'il y avait dans la prison ici en dessous ?» Je lui dis « Non, je sais pas. Il y avait le maréchal Pétain. Tu te pointes avec des baffes le maréchal. » Bonne anecdote. Allez, belle, voilà. Allez, belle. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, des fois, quand les mecs ils commentent la vidéo, tu vois des mecs qui disent Pétain n'est pas loin, mais où est le maréchal? Voilà. Ouais, pas mal du tout. Bah, encore une anecdote à mettre au crédit de Manigance. Et on voit aussi qu'il y a toujours ce côté. Même si la musique est sérieuse, parce que c'est vraiment de la musique sérieuse, eh bien, il y a toujours cette pointe d'humour. Et moi, je suis pressé que l'on se revoit et que l'on discute encore de vive voix et de visu, parce que c'est toujours un grand plaisir. On va se quitter, mon cher François, c'est hélas. On va se quitter avec Exutoire, et puis bah, on se retrouvera maintenant sur scène. La date de concert pour Paris, c'est le 8 mars. Hein. Donc ce sera au Trabendo avec Mirat, et donc nous serons présents, le Rock for Show sera présent en force. Avec Tom, avec Phil, et il y aura certainement quelques-uns de nos auditeurs fidèles, puisque je sais qu'il y aura un Chris, il y aura certainement une Pascaline, un Olivier. Ouais, le 8 mars, ça tombe un jeudi, ça tombe bien, on est diffusé le mercredi. C'est bien, maintenant on est diffusé le mercredi, donc c'est très très bien. Allez, François, je te fais une grosse bise, on se quitte sur Exutoire. Exutoire. Et on se retrouve très très très bientôt sur scène. Merci à toi pour avoir répondu à ces petites question. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous et à bientôt à tout le monde. Je suis très content de vous avoir au téléphone et toute la bande. Voilà. À très bientôt, François. Exutoire, machination, c'est Manigance. De retour dans les studios après Exutoire de Manigance tiré de l'album Machine Nation, nous retournons avec notre ami de toujours, Monsieur Papa Choubi. Choubi. Monsieur Papa Choubi aussi chez V-Record. C'est marrant quand même, hein. Tout se tient quand même, le blues, le heavy metal, le prog. La mélodie, tout les ça. Les Américains, les Français. Ouais, tout ça, Japonais, c'est de la musique. Ah non, les Japonais sont pas là. L'album est sorti le 27 octobre 2017. Donc, Monsieur Papa Choubi, c'est du blues, comme vous l'entendez. L'album s'appelle Two Dogs. Et le concert, eh ben, c'est demain. C'est le premier, c'est jeudi. Ouais, en fait, on n'a pas besoin de dire. Mais ce sera quoi. Au Havre. C'est le dernier qui reste de la tournée française. Oui, mais on n'a pas besoin de le dire parce que personne n'écoutera. Ouais, mais bon, j'avais envie de le dire quand même parce que. Il y a Sophie qui écoutera et qui nous avait demandé d'annoncer les dates. Donc oui, ça voilà. Se trouve à la magie... Au Magic Mirror. Ouais, le Magic Mirror au Havre. Vous avez peut-être encore le temps d'y aller, tout juste si vous n'êtes pas loin. Bien entendu. On va enchaîner encore avec des nouveautés, puis surtout quelque chose de beaucoup plus velu. Là, c'est le moment où Tom va se mettre les pattes arrière sur les oreilles et il va me dire « Ouh là là, ça fait du mal aux oreilles, ça hein !» Et rien que dans le nom. Pestilence. Hein. Ouais, Pestilence, tiré de leur dernier album qui s'appelle Hadean. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom. Timeless, temps perdu. Hein ouais. On en a eu du temps perdu durant ces 35 ans de Rock for Show. Ouais. Hein voilà. Il y en a eu du temps perdu. Et ben, on va essayer de le rattraper. Mais il paraît que le temps perdu ne se rattrape plus, ouais. Comme dirait Trust. Dans quel morceau? Bah, antisocial, tu perds oui, son voilà, sang-froid, voyons. Nono, excuse-moi si tu m'écoutes. Bernie aussi, hein. Vivi. Enfin, après Nono, je tous, connais un quoi. Petit peu, voilà, c'est pour ça que. Et puis David, notre ami David, hein, qu'on a vu au dernier concert, qui était. Voilà, c'est notre donc, ami. Pestilence formé en 1986, séparé en 2014, donc reformé pour cet album. Ils nous viennent des Pays-Bas, l'autre pays du fromage. Yes, l'album est sorti le 9. Enfin, va sortir le 9. mars 2018 chez Hammer Earth Records. C'est un quartet donc de death metal. Ça va vous faire des trous dans vos oreilles. Mais en tout cas, c'est vraiment, il est vraiment bon. Hein. Moi, j'ai toujours bien aimé Pestilence. Et j'avoue que bah, ils reviennent là où ils avaient laissé le bignou. Donc voilà, ça va être très bien. On enchaînera ensuite avec un. Alors il est canadien, américain. Enfin bref. J'ai découvert ça, alors c'est un peu spécial. C'est pas John qui t'a envoyé ça ? Si, c'est John Asher, ouais, donc on salue, le salue. En même temps, hein, on le salue. Ça s'appelle Nat Bonnet. C'est pas le fils de Graham Bonnet, hein, déjà. C'est Nat Bonnet. Il est producteur, il est également multi-instrumentiste. Et il est également bassiste du groupe qui s'appelle... Nuclear Oath. Ouais, Oath. Nuclear Oath. Et bon, moi, j'ai pas vraiment adhéré à ce qu'il faisait. C'est de la musicothérapie, c'est ça? Oui, en fait, il explique le concept de cet album, c'est que toute thérapie est musicale, ou toute la musique est thérapique. Oui, voilà, ouais, ça je préfère, hein d'accord. Voilà. Et donc, cet album s'appelle Thérapeutique Destruction. Destruction. Voilà, moi je dirais que c'est vraiment de la destruction pour les oreilles, pour certains morceaux. Le morceau qu'on vous propose de découvrir ce soir s'appelle Serpent's Tongue, et dessus, il y a un featuring, puisqu'il y a Monsieur Nathan Trash, que vous retrouvez. Avec lui sur cette composition. L'album sort le 16 février prochain. Il contient 14 titres. C'est le premier album studio de ce monsieur. Et ma foi, c'est une réussite. Hein. Maintenant, moi, je suis pas très adepte du metalcore, mais là, on a un espèce de metalcore prog. Donc, cette petite touche de prog fait passer un petit peu, je dirais, le biniou plus que tout le reste. On finira ensuite avec Necrophobic, mon cher Tom. Yes, mon cher Phil. Necrophobic avec l'album Mark of the Necrogram et le titre éponyme Mark of the Necrogram sorti chez Century Media le 23 février prochain. C'est un quintet de Black Death formé en 1989. Ils sont montés en kit, comme je dis toujours. C'est des Suédois, ils viennent de Stockholm. Voilà. Allez, on envoie tout de suite la musique. Si vous voulez nous faire vos petits commentaires sur l'interview de Manigance, sur les titres de Manigance, sur l'album de Manigance, ou sur la programmation musicale dont nous vous dispensons depuis le début de cette émission, on vous le rappelle, très spéciale. À la prochaine plage musicale, on vous explique pourquoi elle est très spéciale, cette émission. Et on vous envoie tout de suite dans vos oreilles Pestilence. 06 81 01 28 34. Happy birthday to you, Eric. Happy birthday to you, Eric. Happy birthday to you, Eric. Happy birthday to you. Il devait être bourré, c'est pour ça qu'il nous a pas fait de décrochage hier soir sur Radio Québec. Pour ceux qui nous écoutent jeudi, et puis voilà, parce qu'on devait être en direct mercredi soir. On est, nous, en direct. Bah, nous, on est en direct, on est mercredi soir. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Molly Baron. Excellentissime groupe français. Qui mélange les styles, on va dire qu'ils sont un peu plus prog, stoner, alternatif, ouais, on va dire. Alt. Moi, franchement, j'adore. Le groupe s'est formé en 2016, ils ont sorti un album en 2016 également, bien qu'il ait été, je crois, distribué en 2017. C'était leur premier album. En 2016, Phil, ouais. C'était 2016 ou 2017. Ah non, 2017. Non, c'est 2017 qu'on a été les voir. Non, 2017, ça fait longtemps. Ouais. Et le premier album donc contient 10 titres. Et c'était un magnifique album, un magnifique digipack. Et vous pourrez aller les voir le 9 février à Paris. Je n'ai pas noté la salle. Ah, bon, bah, Tom, il va aller regarder. Avec Born From Lie. Je me demande si c'est pas le Trabendo, d'ailleurs, à revérifier. Le 9 février, donc, à Paris. Ouais, il me semble que c'est Trabendo. Je sais pas, là-dessus, j'ai fait une boulette. Bon, on va vous annoncer autre chose. Une de plus, une de moins, ça nous empêchera pas de se dire. Enfin, voilà quoi. Bah, au revoir, adieu, je sais pas, quelque chose. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on voulait ce soir vous faire ça en direct. Malheureusement, on n'est pas pour vous en direct. On avait préparé quelques petites choses, voilà. Mais bon, on attendait à ce que vous interveniez en direct et ça ne sera pas le cas. Donc juste pour vous dire que il y a des choses dans la vie que l'on ne maîtrise pas et nous n'allons pas pouvoir continuer le Rock for Show tous les jeudis. C'est pour ça qu'on s'était déplacé au mercredi et depuis, des choses nouvelles sont arrivées et nous ne pourrons pas non plus continuer le mercredi. Voilà. Donc les choses font que les autres jours de la semaine sont un peu occupés par nos occupations diverses et variées et nous ne pourrons... Enfin voilà, l'émission s'arrête là, dans 25-3 minutes. Ouais, alors ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a passé énormément de bon temps avec vous, même si ces deux dernières années, c'était du nouveau pour nous, hein, Tom. Oui. Mais bon, on s'est bien amusé quand même. C'était cool, c'était fun. Ouais, c'était rock, c'était fort, c'était chaud. C'était chaud. c'était rock fort chaud. J'ai passé d'excellents moments avec toi, Phil. Donc, bah, moi aussi. Moi aussi. Je t'embrasserai pas sur la bouche comme ça, mais le cœur y est. J'ai découvert d'excellentes personnes dans cet univers de métal qui n'était pas du tout mon univers de base. Donc c'était cool. Merci à toi aussi de nous avoir accueillis et d'avoir relevé au pied levé. Les séparations. En fait, j'étais là aux deux séparations. Ouais, aux deux séparations. Celle avec notre premier diffuseur historique. Voilà. Et puis après avec R Radio. Dès la reprise, on était là au direct, au taquet. Ah, et puis heureusement, il y avait Radio Biz derrière et on a pu continuer à diffuser le Rock for Show. Donc, on est en la 35e année du Rock for Show. Hein, ça s'appelait Rock for au départ et c'est devenu Rock for Show lorsque j'ai repris les rênes de cette émission. Parce que moi, j'ai toujours considéré que la musique, c'était un vrai show et qu'on a essayé de faire vivre aussi cette émission avec des gens qui venaient, pas seulement des musiciens. Il y avait aussi, je pense à Jean-Louis Orviller, je pense aussi à Mademoiselle Bucken qui était venue nous parler de musicothérapie. Au téléphone. Hein, musicothérapeute. Enfin, tous les invités qu'on a reçus au studio, tous les invités qu'on a reçus ici dans ce lieu qui est mon chez moi pour dire. Mmh. Voilà, tout ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est terminé définitivement. Non, c'est qu'on. On prend du recul. On prend beaucoup de recul des emplois du temps divers et variés qui changent énormément. Et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'on viendra. On en refera sans doute. J'espère qu'on en refera. Oui, parce que c'est un virus. Ouais, c'est un plaisir aussi. C'est ça le problème, c'est qu'on le quitte du cœur, enfin de la main et tout. Mais pas c'est la mort dans l'âme. Ouais, presque. Même si on rigole ce soir, parce que ça y est. C'est un peu la leur maladie, un petit peu, quoi, des fois. Nous, on est au courant. Hein, ouais. Ça fait un petit bout de temps qu'on est au courant. T'es branché, t'es branché. Ouais, moi, j'ai le courant, j'ai le gaz à tous les étages. Enfin, j'ai la lumière aussi à tous les étages, hein, contrairement à certains. Enfin, bon. Sachez que. On remerciera Eric, on remerciera. Radio Metal Invasion aussi. Metal Invasion, et puis aussi... bon, ils arrivent sur le tard, mais... Radio Bourrin. Radio Bourrin. Voilà. Hein. On ne pouvait pas vous prévenir, franchement, on ne pouvait pas vous prévenir aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose qui se faisait facilement. On voulait faire cette émission dans le cadre du direct, on voulait la faire normalement. On voulait juste vous apprendre que le Rockfort Show était suspendu. Pour l'instant, donc on vous l'annoncera officiellement, vous aurez une imagerie qui montrera après la dernière diffusion, c'est-à-dire après lundi soir. Après lundi soir, voilà, on mettra une bannière qui montre que le Rockfort Show est suspendu. Sachez en tout cas que nous avons pris énormément suspendu de plaisir. Par les couilles. ouais, nous, c'est nous par les couilles. En tout cas, on se retrouve dans les concerts, hein, puisque oui, pour dans certains, les concerts, dans les bars, dans les trucs. On salue ceux qu'on a l'habitude de voir, les fans de première heure, on va dire, les premiers rangs. Et puis, on pense à tous ceux qui nous avaient réservé un créneau. Je pense à Conscience, je pense au guitariste, je crois, de Identity qui voulait annoncer son festival. Je pense également à Chris qui voulait annoncer son festival à Saint-Mamé. Également, je pense à tous ceux qui nous ont fait confiance durant toutes ces années. Moi, je pense à tous ceux qui tournaient autour de Pascal Mulot, si tu avais dit que tu les inviterais peut-être un jour aussi, exact. Et que pour l'instant on n'a pas eu le temps. Peut-être qu'un jour on essaiera de faire une émission d'une journée et on invitera tout le monde. Oui, et puis il y aura un anniversaire en décembre à fêter, ce sera les 35 ans révolus de la naissance du Rockfort Show. Donc là, je pense qu'on fera quand même quelque chose, on essaiera de faire quelque chose, même si on l'enregistre un samedi ou un dimanche. C'est pas un problème, ça on fera peut-être quelque en chose. Public, pourquoi pas, et pourquoi pas dans une salle avec un concert. Voilà. Bon, enfin, on va pas se lancer là-dessus, on va pas faire de plan sur la comète. Non. Pour l'instant, on est en train de digérer le fait qu'il va falloir que l'on suspende cette émission. Elle a occupé plus de 20 ans de ma vie. Hein, et la radio a occupé 35 ans de ma vie. Donc voilà, maintenant il va falloir passer à autre chose, il va falloir reprendre une vie comme la vôtre, hein, une vie peut-être à écouter les autres aussi, à écouter un petit peu ce qui se fait, et à écouter des albums que l'on n'écoutait pas ces derniers temps, parce qu'on était trop pris par les programmations du Rockfort Show. Donc bah, voilà, ça va nous permettre un petit peu de s'extérioriser, c'est ça le truc. C'est ouais, et puis de vivre un petit peu comme vous tous. Voilà. Sachez que quand même, ça demande énormément de travail de faire une émission comme le Rockfort Show. Rien qu'à construire, la construction même de cette émission prend à peu près 4 heures. Mais bon, tous ceux qui font de la radio, tous ceux qui font quelque chose de constructif savent que quand on se lance dans quelque chose, bah, ça prend du temps. Et ça prend aussi du temps sur la famille, sur l'entourage, sur tous les gens qui sont autour de nous et à qui... on n'est pas aussi présent, on n'a pas donné autant de présence qu'il aurait fallu. Voilà, bon, on continue ? Sur ce, bah, on va continuer avec des nouveautés. Ignore the sign. Ah. Hein, ça veut dire ignorer le signe. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir, c'est le signe indien de la fin du Rockfort Show. Et bon, on va l'ignorer et puis Alien, on va continuer à vous passer de la musique. Une ligne croisée. Ouais, ça c'est... C'est la pochette de l'album qui est comme ça, donc à découvrir. Le morceau s'appelle Day of Thunder. Ça sort chez SPV le 26 février prochain. L'album contient 13 titres. C'est du hard rock très, très, très mélodique. C'est du hard rock basique. Ça ne révolutionnera pas le genre. Ça ne révolutionnera pas votre attitude face à un album de hard rock mélodique. C'est juste qu'au départ, c'était un projet d'un album solo. Hein, de Ossie Pfeiffer qui est multi-instrumentiste également, qui a joué avec des formations comme The Sweet, MSG, c'est des musiciens que l'on retrouve à l'intérieur de ce projet Ignore the Sign, qui est devenu en fait un vrai groupe alors que c'était le projet d'un seul homme. Et dedans on retrouve monsieur, je crois qu'il y a Uli John Roth que l'on retrouve dedans, qui fait des apparitions. Enfin bref, vous allez vous en faire votre idée, votre propre idée. Moi personnellement, voilà, je l'ai reçu, je vous le diffuse et après vous en faites ce que vous voulez. Par contre, après, on va au Canada. Ah, hein, caribou. Voilà, on va au Canada et on va retrouver nos amis de Anvil, ouais, avec qui nous sortent leur nouvel album qui s'appelle Pounding the Pavement. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est Let It Go. Bah oui, il va falloir y aller, hein, c'est comme ça. L'album est sorti le 19 janvier dernier chez SPV, le même label justement que Ignore the Sign. Mais alors là, on est vraiment dans du metal old school, New Wave of British Heavy Metal, sauf que là, c'est du Canada. Hein, donc c'est le Canada of British of dry, New dry, Heavy dry. Metal. L'album contient 12 titres. Surtout, le groupe sera en concert à Paris le 25 février prochain au Trabendo. Oui, et pour en revenir à Molly Barrand, ce sera la Péniche Antipode. C'est la Péniche Antipode, très bien. Le groupe Anvil s'est formé en 1981. Ils nous viennent de Toronto, c'est excellent. Nous terminerons cette plage musicale avec The Crown, qui sortira son album seulement au mois de mars. Le 16. Le 16 mars. Qui s'appellera Cobra Speed Venom. Ouais, donc le Cobra Speed Venom. Ouais, le venin du cobra, la rapidité du venin du cobra, si on peut lui donner une signification. Le titre s'appelle Rise in Blood. C'est un petit peu comme Rain in Blood de Slayer. Je pense que c'est un petit clin d'œil qu'ils leur ont fait. En tout cas, c'est un album qui contient 10 titres pour sa version classique et 3 titres bonus pour sa version digipack. C'est un groupe suédois, c'est un quintet de death mélodique qui s'est formé en 1990. On vous laisse en musique 06 81 01 28 34 si vous voulez réagir, bien entendu, à ce qu'on vous a annoncé, c'est-à-dire la fin du Rock for Show. On est là, on peut vous prendre au téléphone, il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous laisse en musique. C'est parti, musique. I miss the days of thunder. something to say, someone to listen, with attention to pay. With attention to pay. Finding strength to live and cope, finding love and feeling hope. Release the anger, let go of hate, let it all go. The power I gain is not in these worlds. Must not give in. profitez-en. C'est les derniers instants du Rock for Show. Paix à son âme. Non, on reviendra parce que nous ressusciterons. Hein, Tom? Ouais, ouais. Allez, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Rotting Christ. C'est un quartet black metal gothique, on va dire ça comme ça. L'album s'appelle Rituals, sorti chez Season of Mist en 2016. Aux oreilles. Mais non, ça fait pas mal aux oreilles. C'est parce que t'aimes pas les Grecs, c'est tout. Hein. C'est un groupe grec. Fondé en 1987, ils nous viennent d'Athènes et ils seront en concert avec Garage Angrin. Et puis Svartkrone, et ce sera le 4 février à Paris. Paris, ville lumière. Ouais, ville lumière. Je sais pas où c'est. En plus, j'ai encore zappé le truc. Ouais, Trabendo, allez. Petit bain. Non, c'est petit bain. Non. Je sais pas. Petit bain, enfin, ça va être compliqué. Là. Par contre, la petit bain, ça risque. Surtout le 4. Surtout le 4. Petit bain, le 4, ouais, ça me paraît un peu compliqué, à moins que la crue s'accélère. La décrue, ça soit très forte, mais voilà. Bon, en tout cas, nous allons passer à la suite de la programmation avec de la nouveauté et encore de la nouveauté. Pas indispensable pour le premier qui arrive, puisque c'est Monsieur Chris Bay, le chanteur de Freedom Call. Mais pas seulement, il a eu d'autres projets. Là, il sort son album solo, parce que dedans, y avait plein de morceaux qu'il n'arrivait pas à placer dans ses autres projets. Et il s'est dit, je vais sortir un album solo qui s'appelle Chasing the Sun. Et ma foi, alors c'est bien, on retrouve bien la voix de Chris Bay, c'est normal puisque c'est le chanteur, donc oui. Par contre, les compos, je pense pas que ça soit un album qui fasse date, je pense pas que ça soit un album dont on parlera longtemps, longtemps, longtemps. Mais il y a quelques petites perles, il y a quelques petits morceaux qui sont assez sympas, dont ce Bad Boys que je dédicace à mon ami Tom. Voilà, c'est lui le Bad Boys ce soir. Et l'album sortira le 23 février. Oui. Et pour info, c'est bien le Trabendo parce que le petit bain, ça a été annulé, enfin décalé au Trabendo. Ah, t'as vu le gars et le pif, ça s'appelle le pif. Hein, c'est le pifomètre. Hein. Oui, aussi, ouais. L'album sort chez SPV, l'album de Chris Bay. C'est son premier album solo. Il contient 11 titres. Il est varié avec des titres très courts, pas plus de 4 minutes hein, par titre. Et la majeure partie des titres font entre 3 et 3,30. Voilà, donc ça s'écoute. Franchement, ça s'écoute bien. Mettez ça en voiture, c'est pas mal. Maintenant, je vous dis, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Voilà. Bah déjà, il en a deux. Ah, c'est ça. Ah bah, c'est pour ça alors. Ah bah, excusez-moi alors. Quand il a les deux au sol, parce que des fois, il en a qu'une. Et puis après, on se retrouve pour se dire adieu. Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Ouais, parce que c'est primordial de toute façon de se retrouver avant de se dire adieu. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Allez, Chris Bay et... Hasta la vista! Yeah. C'est la fin. Et voilà, c'est fini. C'est le foutage de gueule. Moi, j'avais dit, c'était primordial de vous dire comme quoi on arrêtait, que cette émission était spéciale. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme morceau final le Primordial, le groupe irlandais de folk, de black folk metal, qui sortira bientôt. On vous a fait un beau cadeau parce que ça sortira que le 30 mars. Ça sera chez Metal Blade, et je ne sais même pas si on avait le droit de diffuser ce morceau, mais on prend le gauche, puisque c'est comme ça, et qu'on est des rebelles. Le morceau s'appelle Stolen Years, et ouais, les années perdues, bah, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. En tout cas, on s'est bien marré, et voilà, on est content quand même. Merci à tous les... À tous les fidèles auditeurs. Ouais, tous ceux qui venaient régulièrement, qu'on a croisés régulièrement aussi en concert, enfin voilà. Et nous allons nous exiler dans les ruines. C'est un peu le titre de l'album de Primordial. Pour ceux qui auraient fait attention un petit peu quand vous regardez toute la playlist, il y a des... Dès le début, ça part. Voilà. Ouais, voilà. Il y avait des significations dans à peu près tous les. Soit les noms des groupes, soit les noms des morceaux. Voilà. Cet album de. Déjà que rien que le début, on pouvait pas commencer l'émission parce qu'on commence Harakiri. Avec Harakiri. Donc on est. Déjà, avant que l'émission commence, on savait qu'il y avait un problème. Ouais. Primordial, l'album contient 8 titres. Parce qu'on retourne quand même à la playlist. Hein, parce qu'on est un petit peu aussi comme ça. On est professionnel aussi un petit peu. Le groupe s'est formé en 1987 et ils nous viennent de Dublin. Donc on va vous. Peut-être pas vous remettre le morceau depuis le début, puisque de toute façon on n'avait peut-être pas le droit de vous le diffuser ce soir. Et puis peut-être que vous ne l'aurez pas du tout non plus. Si, ils vont l'avoir, puisque oui. Ce sera en podcast et voilà. C'est que de la rediffusion maintenant. Et puis les radios qui nous diffusent, que l'on salue toutes, ce soit Radio Québec.biz, Radio Biz, alias. Radio Bourg, Rhin et Metal Invasion, on vous salue tous bien haut. Bah, on garde contact. Ouais, on garde le contact parce que c'est pas fini définitivement. On n'en perd pas le retour. En version hebdo, c'est fini. Ça, c'est voilà, fini. En version hebdo, on va pas pouvoir continuer. Donc après, on arrête. En version bi-hebdo, il n'y en aura pas. En hebdo, en mensuel, il y en aura peut-être. Ouais, on va essayer de se maintenir quand même à flot. On va laisser une semaine ou deux là, déjà de réflexion. Mais par contre, on va essayer de vous fournir des émissions. C'est-à-dire, chaque semaine, on va essayer de vous fournir des émissions qu'on a déjà faites sur ces deux dernières années. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, j'ai tout ça en stock, ouais. À quelque chose près, on a tout ouais. En stock. Donc on va essayer de vous trouver des choses avec des sessions live, des trucs qui soient pas que de la musique. Ou refaire du montage un petit peu à gauche à droite avec de la voix off, pourquoi pas aussi. On va faire ça. On peut essayer. De toute façon, Tom, il a rien à foutre maintenant, il va s'emmerder chez lui. Oh, il va s'emmerder. Il va être là, je suis sûr qu'il dans une semaine, il craque, il quitte son boulot et il me dit, Phil, bon, j'en peux plus, faut qu'on refasse la radio. Oh mon petit Tom, bon allez pleure pas, merde, chouchou. Non, mais pas, chouchou, non. C'est pas fini. Je pleurerai pas non plus, l'émotion est là, ça c'est sûr. Ouais, ça, bon. On tire un trait sur des choses, voilà. On ferme une porte, on la laisse entrouverte. Oui, mais il y en a d'autres que nous voient. Hein, ouais, on va ouvrir d'autres portes, on va aller s'éclater, on va aller se voir ailleurs maintenant. En tout cas, on vous remercie, c'était, pendant toutes ces années, c'était rock. C'était très fort. C'était très chaud. Et surtout ce soir, malgré qu'il fait froid. C'était Rock for Show. On vous dit à très bientôt. Salut. Et où que vous soyez, portez-vous bien et restez metal. Bye bye. Salut.